Vous suivez toujours la radio Sangani, le bienvenu dans son journal à la langue française et dont voici les principaux titres. Le parquet général de la République du Burundi dit avoir ouvert deux dossiers judiciaires pour pouvoir poursuivre en justice le mouvement rebelle Red Tabara suite aux attaques récemment menées revendiquées dans les localités de Buringa et Vugizo. Vous entendrez les détails avec le procureur général de la République du Burundi. Et le critère des quotas provinciaux dans la sélection de lauréats orientés dans la faculté de médecine est lourde de conséquences, entre autres l'accumulation des échecs, la perte de moyens financiers, la démotivation des étudiants. C'est une analyse du psychopédagogue Pierre Claver-Canavazé que vous allez découvrir également dans ce journal. Et les eaux de la rivière Maragarazi, en séparant le Burundi à la Tanzanie, ont déjà créé un îlot il y a déjà 3 ans au niveau de la zone Mugeni de la commune Kayogoro. Et les habitants craignent que cette partie du sol burundais risque d'être confondue à la terre tanzanienne si rien n'est fait en urgence. Voilà pour le sommaire. Assel Milambona assure la mise en onde. Page justice pour débuter ce journal. Le parquet général de la République du Burundi dit avoir ouvert des dossiers judiciaires pour poursuivre en justice le mouvement rebelle Red Tabara suite aux attaques récemment menées et revendiquées dans les localités de Buringa en province Bubanza et Vugizo de la zone Gatumba en province Bujumbura. Dans un communiqué qui a été lu ce jeudi par le procureur général de la République, Léonard Niyonsenga a indiqué que la justice burundaise fera le tout possible pour traduire en justice ce groupe armé suivi. Pour toutes ces deux attaques consécutives, deux dossiers pénaux ont été ouverts contre les terroristes du mouvement Red Tabara. L'un porta le numéro RMP 23315-NP pour les faits commis à Vugizo et l'autre porta le numéro RMP 28197-NP. NJC relatif aux faits criminels commis dans la localité de Buringa. Au regard de ce bilan macabre, nous nous rendons compte que les terroristes du mouvement Red Tabara visaient les civils et non des militaires, dont des enfants et des femmes. Pire encore, pour l'attaque de Buringa, ces criminels terroristes ont surpris un ménage qui était en deuil et ont ainsi ajouté le mal au mal pour endosser la responsabilité du plus pire que jamais dans deuil sur deuil. Cela montre clairement que les terroristes, comme le nom l'indique, ont choisi son seul chemin d'égarement ténébreux pour abreuver de force le sort burundais du sang des innocents fils et filles. Ce crime odieux tombera sur ces barbares terroristes. La justice burundaise, via le parquet général de la République, est plus que jamais déterminée à poursuivre les auteurs terroristes, les co-auteurs et les complices jusqu'à leur condamnation pour une répression exemplaire. C'est pour cette raison que nous invitons toute personne éprise de paix et d'une cohabitation pacifique à coopérer avec la justice en dénonçant tous ceux qui ont trempé dans cet acte ignoble et barbare en vue de les traduire en justice. La justice sera rendue aux familles des victimes et à toute la nation burundaise entière. C'était Léonard Niyonsenga, il est procureur général de la République du Burundi. Il s'observe des lacunes en matière de réinsertion sociale des prisonniers libérés. C'est une analyse faite par Maître Minan Salvatore, un avocat conseil, après qu'un ancien détenu récemment libéré de la prison de Rutana par grâce présidentielle ait été attrapé en train de voler dans la ville de Bururi, puis incarcéré juste après une semaine. Il interpelle les pouvoirs publics d'organiser des séances de sensibilisation, non seulement dans les prisons, mais aussi après la libération, pour permettre une réinsertion effective des anciens détenus, tout en statuant également sur les causes à l'origine des infractions qui avaient occasionné la détention. Suivez-le au micro d'Alain Désiré Boukayenet. Il est possible que les raisons qui vous ont envoyé à la prison subsiste au moment de votre libération. Il suffit de donner l'exemple. Si vous avez été là parce que vous aviez volé, commis un vol simple, à cause de la pauvreté notamment, et que après la peine que vous venez de purger, vous restez toujours pauvre. Vous pouvez toujours voler. Et si vous volez, la loi n'est pas clémente. On va toujours vous appréhender et vous y envoyer. Ou alors, si vous avez commis l'infraction parce que vous aviez l'ignorance de la loi, disant « je ne savais pas que ceci constitue une infraction » et qu'après la peine que vous venez de purger, vous êtes toujours ignorant par rapport à la loi, vous commettez encore une fois l'infraction, eh bien, on ne va pas ne pas vous envoyer encore une fois là-bas. La prison peut donc être un endroit qui ne corrige pas comme on le pense, qui peut même être un endroit qui aggrave surtout la situation des gens. Et quand ils reviennent à la société, la queue de société est différente de la prison, peuvent toujours se comporter comme auparavant, malheureusement. Qu'est-ce qui est exigé après la libération d'un prisonnier en ce qui concerne la réinsertion? La réinsertion suppose une responsabilité partagée entre la communauté elle-même, mais aussi l'individu qui doit être réinséré. Parce que ce dernier doit manifester son intention de pouvoir vivre encore une fois dans la société, dans la communauté dans laquelle on lui veut empêcher de vivre. Mais aussi la communauté doit offrir des opportunités, des possibilités à cet individu qui revient dans cette communauté, notamment par la sensibilisation de nouveaux textes qui sont là, parce que la plupart des fois, d'ailleurs c'est toujours, et c'est parce qu'on viole la loi qu'on est envoyé à la prison. Alors pendant la réinsertion, les pouvoirs publics, la communauté en général, devraient être à la hauteur de sensibiliser, d'offrir des opportunités à ces personnes réinsérées pour que celles-ci ne commettent plus les mêmes infractions ou d'autres infractions. C'était Maître Minan Salvatore, avocat conseil, qui répond aux questions d'Alain Désiré Boukeyeneza. De la justice à la page éducation sans transition, la considération des critères des quotas provinciaux dans la sélection des lauréats de l'examen d'État orienté dans la faculté de médecine ne devrait pas être priorisé. C'est du moins l'analyse du psychopédagogue Pierre Clavel-Canavazé après que le Conseil des ministres ait tenu au cours de ce mois et adopté une note relative. Il explique que l'application de ce critère est lourde de conséquences, entre autres l'accumulation des échecs, la perte de moyens financiers et la démotivation des étudiants. Il y rappelle néanmoins que l'éducation revêt le caractère national. Suivez-le au micro de Jean de Dieu, Irakote. Vous savez que la vie d'une personne humaine est sacrée. Pour alors avoir des médecins compétents, des médecins étant à la hauteur de la tâche, même on doit recruter des étudiants capables de suivre cette formation. C'est pourquoi alors, moi je dirais qu'il faut être un peu prudent quand on dit qu'il faut introduire des quotas. Et par ailleurs, l'éducation est nationale. En matière éducative, le vocable national signifie qu'un apprenant peut se faire inscrire dans toute école implantée sur le territoire du Burundi, comme après études, il est prêt à travailler, à être affecté sur tout le territoire du Burundi. Je peux être natif de Muramvya et aller étudier à Muyinga. Je peux être au stade de la mairie et étudier à Karuzi. Vous comprenez alors que appliquer les quotas, ça ne veut rien dire. Par ailleurs, lorsqu'on est en classe, un enseignant ne presse jamais en regardant l'origine des élèves. Comme le médecin dans son cabinet, on ne soigne pas le patient en provenance de son origine. Personnellement, je vois que cette mesure de considérer les quotas n'est pas propice au niveau des écoles, et en particulier à la faculté de la médecine, faculté hors de commun. Si on considère les deux critères en même temps, à la fois, il y a des conséquences qui peuvent surgir. La première conséquence qui risque d'y avoir, c'est l'enregistrement des échecs massifs en bac 1 dans la faculté de médecine. Parce que, n'ayant pas respecté le principe qui stipule l'homme qu'il faut a la place qu'il faut. La deuxième conséquence, le redoublement et les abandons coûte trop cher à l'État et en redoublant occupe une place qu'un autre étudiant méritant aurait occupée. La troisième conséquence qu'il peut y avoir, c'est le sentiment d'injustice qui peut s'installer chez certains étudiants suite à ce système de quotas. Ces étudiants peuvent éprouver un sentiment d'injustice et avoir une démotivation et même pas poursuivre les études supérieures. Et ce psychopédagogue estime que le gouvernement devrait plutôt concentrer les efforts dans les localités du pays qui présentent plusieurs fois plusieurs défis en termes de ressources humaines, matérielles et financières pour qu'il y ait l'équité par rapport à l'accès à la faculté de médecine. Il trouve en outre que le gouvernement devrait privilégier aussi une discrimination positive en accordant les avantages à certaines écoles compte tenu de leur catégorie d'appartenance. Encore une fois, Pierre Claver, Kanabat. Moi, je pense qu'il y a moyen d'appliquer l'équité sans passer par les quotas. La première chose à faire au niveau du gouvernement, en fait, accorder ressources humaines, matérielles et financières à ces écoles où on constate qu'il y a une certaine lacune. Vous parlez des professeurs, des enseignants à nombre suffisant et qualifié. Je parle des manuels scolaires. Je parle même des effectifs au niveau des écoles. On trouve ici une classe qui a 50 élèves et on trouve dans une autre école 150 élèves. Mais cela étant, dans toutes les provinces, il faut commencer à la base parce que l'éducation remonte de la base. On peut constater que au cours de l'année, quelques écoles ont connu des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'il faut à ce niveau? À ce niveau, pour appliquer l'équité, il faut appliquer ce qu'on appelle la discrimination positive. Concrètement, au concours, si on fixe le pourcentage d'aller à la médecine à 70%, ce pourcentage peut s'appliquer au lauréat des écoles d'excellence. Les élèves ayant poursuivi des études dans les lycées publics, on peut appliquer 68%. Et les élèves ayant évolué dans les lycées communaux ou municipaux, on peut appliquer le pourcentage de 65%. C'est la discrimination positive qui est permise, qui aboutit à l'équité. Et je vous dis, ce n'est pas la première fois que ce principe pourrait être appliqué au Burundi. Dans l'OTAN, on l'appliquait au niveau du concours national. Et pour encourager les filles de fréquenter les écoles secondaires, on fixait le pourcentage légèrement moins à ceux des garçons. C'était le professeur Pierre Claver Kanabazé. Il est psychopédagogue et des parents sont appelés à faire le tout possible pour nourrir leurs enfants afin qu'ils puissent suivre les cours normalement à l'école. C'est un appel lancé par François Vialimana, ministre de l'Éducation nationale, à la veille de la célébration de la 9e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire. Dans un atelier d'échange, des représentants des pays membres de l'Union africaine qui exécutent le projet de cantine scolaire ont recommandé la protection de l'environnement pour réussir ce projet. Les détails avec Lydie Gahimbari. Les représentants de 15 pays membres de l'Union africaine qui sont présents au cours d'une réunion technique sur le programme de l'alimentation scolaire ont échangé sur l'importance de la mise en œuvre de l'alimentation scolaire à base des produits locaux. Ils ont souligné, entre autres, l'augmentation des résultats scolaires, la nutrition équilibrée, la création de la capitale humaine et le développement des économies locales. François Havzalimana, ministre de l'Éducation nationale, appelle les Africains en général et les Burundais en particulier à s'approprier à l'alimentation de leurs enfants. Et l'appropriation de ce programme d'alimentation scolaire par nous les parents, par nous les Africains. Il est vrai que nos partenaires appuient nos pays dans la mise en œuvre de ce programme combien important. Mais l'accès universel à l'alimentation scolaire incombe d'abord à nous les Africains. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas besoin de tels appuis, mais nous avons l'obligation de tout faire pour que nos enfants puissent bénéficier d'un repas sain et nutritif à l'école si nous voulons améliorer leur performance, que nous soyons appuyés ou pas. Il a également remercié les pays comme le Brésil, Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal qui ont inspiré le Burundi dans le programme de l'alimentation scolaire. Nous avons bénéficié de l'expérience et de l'accompagnement d'autres pays amis pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Sans prétendre être exhaustif, je citerai le Brésil, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal qui nous ont fort inspirés. Je ne doute pas que les représentants de ces pays sont dans cette salle. Nous disons grandement merci pour leur amitié, leur franche collaboration. Par ailleurs, ont toujours caractérisé le peuple africain. Les participants à cette réunion technique sur l'alimentation scolaire à base de produits locaux trouvent que la réussite de ce projet va de pair avec la protection de l'environnement. La 9e journée africaine de l'alimentation se tient à Bujumbura au moment où l'année passée s'est tenue en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas Isangani Lo ? Vous ratez l'essentiel. Si vous ne suivez pas Isangani Lo, vous ratez l'essentiel. Il faut marquer également la différence avec cette radio Isangani Lo. La poursuit dans la suite de ce journal. La montée des eaux du lac Tanganyika a affecté les activités des plages aménagées tout autour de ce lac, aujourd'hui inondé. Et les gens qui visitent les lieux viennent au compte-gouttes, ce qui impacte les recettes de ces plages. Ce que déplore Adolphe Maniratunga, responsable de la plage dernièrement dénommée Cercle Nautique, pour lequel son actuel parking est sous l'eau, de même que les responsables des autres plages de la localité. Adolphe Maniratunga demande au gouvernement du Burundi de revoir à la baisse les taxes que les plages doivent au trésor public sous prétexte de cette réduction remarquable des clients, n'est-ce pas, Omer Ndouaïo? Sur différentes plages visitées, dont Zion Beach, l'eau tape sur le mur des salles où les clients sont accueillis. Non loin de là, nous arrivons au Cercle de la Paix, anciennement connu sous le nom de Cercle Nautique. Le constat est que les paillotes dans lesquelles les visiteurs sont assis ne sont pas sévèrement touchées par le fait qu'elles sont construites en l'air, en arbres et planches, mais le parking des véhicules est déjà inondé, à tel point que les visiteurs n'entrent qu'à pied, garant leur voiture à l'extérieur, juste derrière la clôture de cette plage. Avançons vers devant, nous rejoignons la plage dite Safi Beach. Ici, même le tronçon situé entre les anciennes toilettes publiques et le port de Bujumbura, de la route menant vers cette plage, jaillit d'eau et les véhicules n'y passent plus. Une partie non négligeable de cette plage, y compris même sa clôture, près des anciennes toilettes publiques, ont été emportées par les eaux. Pour essayer de faire face à cette situation, un mur en planche, derrière lequel de gros pneus pleins du sable, a été construit pour protéger la partie restante. Adolphe Maniratunga, responsable du Cercle de la Paix, trouve que cette montée des eaux du lac Tanganyika était à la cause de la diminution d'effectifs des clients qui fréquentent cette plage. La partie la plus menacée est celle du parking. Sinon, les constructions dans lesquelles nous recevons nos clients ne sont pas trop touchées. Le manque de parking suffisant nous fait défaut à la réception des clients. Nous travaillons à au moins 40% aujourd'hui. Avant cette montée, nous gagnions à peu près 6 millions de francs burundais, mais aujourd'hui, c'est à peu près 2 millions seulement. Ça devient difficile de payer les travailleurs, les factures d'eau et d'électricité, sans oublier même les taxes et les impôts. Il demande au gouvernement de revoir à la baisse les taxes que les plages doivent au trésor public. Nous demandons au gouvernement de revoir à la baisse les taxes que nous payons en attendant que la situation se renormalise. La montée des eaux du lac Tanganyika date de 2 semaines environ, estime Maniratunga. Merci Omer Ndouaïo. Et les eaux de la rivière Maragarazi séparant le Burundi à la Tanzanie ont dévié au niveau de la zone Mugenia, commune Kayogoro de la province Makamba, il y a plus de 3 ans. La population et les administratifs de cette localité disent avoir tenté de remettre cette eau dans son lit normal, mais en vain. Ils demandent au gouvernement d'intervenir par peur qu'une partie du sol burundais soit confondue à la terre tanzanienne. Et le gouverneur de la province de Makamba qui confirme ces informations demande aux partenaires œuvrant dans le secteur de l'environnement d'appuyer pour que cette rivière retrouve son lit normal. Élisée Kwizera. Dans la zone Mugeni de la commune Kayogoro en province de Makamba, c'est là où saison de la rivière Malagarazi, qui fait frontière entre le Burundi et la Tanzanie, ont dévié. Sur la colline Buhema, dans cette zone, se trouvent des cours d'eau provenant de cette rivière. Entre ces cours d'eau et la rivière proprement dite, se trouve une partie entourée d'eau. Selon la population, cet espace compte au moins 500 hectares et les grognes qui les fait recours à des pirogues pour y parvenir et qu'elle leurs cultures sont toujours emportées par des inondations. Cette population et les administratifs locaux font savoir qu'ils ont essayé de restaurer cette rivière, mais en vain. Ils craignent que la partie qui reste entourée d'eau s'annexe à la Tanzanie et demandent à l'État burundais d'intervenir pour remettre l'Ondaloli. Tantine Chutina Magara, gouverneur de la province Makamba, affirme ces informations et indique avoir déjà effectué une descente sur terrain pour le constat. Elle lance un appel à tous les natifs de cette province et aux partenaires œuvrant dans le secteur de l'environnement d'appuyer pour la restauration de cette rivière pendant l'été et propose la plantation d'arbres à cet endroit pour sa protection. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci Élisée Kwizera. Et le gouvernement du Burundi prévoit de renforcer les structures de protection civile et de la promotion du partenariat public-privé afin de promouvoir les technologies innovantes. Il s'agit d'une déclaration faite par l'assistant du ministre de l'Intérieur, général de brigade Denis Mubona Bonacize Célestin, ce jeudi, au moment où le 1er mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la protection civile. À cette occasion, l'assistant du ministre demande à tout un chacun de mener des activités allant dans le sens de la prévention des risques et de la protection de l'environnement. Et pour clore cette édition, le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, promet de suspendre les actes des sociétés qui ramassent les ordures ménagères à mairie de Bujumbura si elles ne changent pas leur façon de travailler. Lors de la prière organisée par le parti au pouvoir chaque jeudi, jeudi du mois, Evariste Ndayishimiye explique qu'il n'est pas compréhensible qu'elle collecte de l'argent sans pour autant dégager comme il faut les déchets ménagers. Nous y reviendrons sur cet élément dans nos éditions ultérieures. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Selme Irambona pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Placide Niomongere. Au revoir.